Répondant à l'appel de ses voix, Jeanne va quitter son village de Lorraine, sa maison, ses parents, pour tenter la grande aventure, l'aventure humaine des combats, l'aventure mystique de la sainteté et du martyr. Adieu, Meuse endormeuse et douce à mon enfance, qui demeures au pré où tu coules tout bas. Meuse, adieu. J'ai déjà commencé ma partance en des pays nouveaux où tu ne coules pas. Voici que je m'en vais en des pays nouveaux. Je ferai la bataille et passerai les fleuves. Je m'en vais m'essayer à de nouveaux travaux. Je m'en vais commencer, là-bas, les tâches neuves. Et pendant ce temps-là, Meuse, ignorante et douce, tu couleras toujours, passant accoutumée, dans la vallée heureuse où l'herbe vive pousse. Ô Meuse inépuisable et que j'avais aimée. Tu couleras toujours dans l'heureuse vallée. Où tu coulais hier, tu couleras demain. Tu ne seras jamais la bergère annalée qui s'amusait, enfant, à creuser de sa main des canaux dans la terre, à jamais écroulée. La bergère s'en va, délaissant les moutons, et la fileuse va, délaissant les fuseaux. Voici que je m'en vais, loin de tes bonnes eaux. Voici que je m'en vais, bien loin de nos maisons. Meuse, qui ne sait rien de la souffrance humaine, ô Meuse inaltérable et douce à toute enfance, ô toi qui ne sais pas l'émoi de la partance, toi qui passes toujours et qui ne pars jamais, ô toi qui ne sais rien de nos mensonges faux, ô Meuse inaltérable, ô Meuse que j'aimais. Quand reviendrai-je ici filer encore la laine? Quand verrai-je tes flots qui passent par chez nous? Quand nous reverrons-nous, et nous reverrons-nous? Meuse, que j'aime encore, ô ma Meuse que j'aime. Ô maison de mon père, où j'ai filé la laine, où les longs soirs d'hiver, assis au coin du feu, j'écoutais les chansons de la vieille Lorraine, le temps est arrivé que je vous dise adieu. Tous les soirs, passagère en des maisons nouvelles, j'entendrai des chansons que je ne saurais pas. Tous les soirs, au sortir des batailles nouvelles, j'irai dans des maisons que je ne saurais pas. Maisons de pierre forte, où bientôt, ce que j'aime, ayant su ma partance, et mon mensonge aussi, vont désespérément, éplorer de moi-même, autour du foyer mort, prier à deux genoux, autour du foyer mort, et trop vite élargi. Quand pourrais-je le soir filer encore la laine? Assise au coin du feu, pour les vieilles chansons, quand pourrais-je dormir après avoir prié, dans la maison fidèle et calme à la prière? Quand nous reverrons-nous, et nous reverrons-nous, ô maison de mon père, ô ma maison que j'aime!